à l'homme dans le cosmos, pour le bénéfice de son esprit, de connaître que le plan matériel est le plan éthérique. Mais nous réalisons aussi que lorsque l'homme est dans son esprit et qu'il a accès au plan matériel, il a aussi accès au plan éthérique, et que s'il a accès au plan éthérique, il a aussi accès au plan matériel. Alors, automatiquement, il y a continuité entre le plan matériel et le plan éthérique. Autrement dit, il n'y a qu'une place, il n'y a qu'une dimension, il n'y a qu'une réalité à vivre dans le cosmos. C'est cette réalité qui permet à l'homme, au niveau de son esprit, d'engendrer suffisamment d'énergie pour se déplacer dans un plan contre un autre, mais toujours en maintenant sa conscience. Alors, si l'homme maintient constamment et d'une façon permanente sa conscience, parce qu'il est universel, il n'y a simplement qu'un aspect de la réalité qui vaut la peine d'être vécu, et c'est cet aspect qui ne convient pas à sa notion de l'existence. Et cet aspect qui ne convient pas à sa notion d'existence, et cet aspect qui doit être totalement élevé dans sa conscience pour que se retire tout le reste, c'est-à-dire toute l'activité de son corps de désir. Et cette activité des désirs dans l'homme sont justement la barrière entre la mort et la vie matérielle. Je ne considère même pas le plan éthérique parce que le plan éthérique n'est qu'une continuité de la conscience de l'homme. Lorsqu'il a survécu aux étapes d'involution dans la matière. Alors, l'univers est réellement divisé en deux. Il y a simplement le monde de la mort ou le monde de la matière. Nous n'avons même pas à parler du plan éthérique, parce que le plan éthérique n'est qu'une continuité, n'est que le résultat du perfectionnement des corps de l'homme. Alors, s'il n'y a simplement que le plan matériel qui vaut la peine d'être vécu, qui vaut la peine d'être connu par l'homme, il est important pour lui de réaliser que les notions qu'il a de la vie sur ce plan sont des notions qui sont totalement en fonction de son corps de désir. Et le corps de désir, il est créé par qui? S'il est créé par des intelligences dans le plan de la mort, à ce moment-là, la notion qu'il a de la vie sur le plan matériel ne convient pas à l'homme. Mais l'homme est tellement habitué à ce que ses désirs lui conviennent parce que ses désirs créent la notion de la valeur de sa vie, qu'il lui est difficile éventuellement de sortir de cette notion. Et c'est justement cette séparation qui fera que certains hommes iront dans une direction et que d'autres hommes iront dans l'autre. Si le corps de désir a été créé par des intelligences très élevées pour permettre qu'il y ait connexion entre la mémoire et l'homme, ce n'était pas pour que l'homme s'emprisonne dans ce corps de désir, mais qu'il se serve de ce corps de désir comme lentille vibratoire, lui permettant instantanément d'avoir accès à la mémoire de son âme pour que, selon son intelligence réelle, il puisse s'exécuter sur le plan matériel dans une vie future d'une façon qui convienne à son évolution, qui convienne à l'objectivation de l'esprit dans la matière. Mais nous vivons notre vie complètement à l'envers de cette proposition. Nous vivons notre vie totalement en fonction des émotions qui neutralisent pour elles-mêmes la mémoire de l'âme. Au profit de quoi? Au profit d'une illusion, d'une notion de la vie qui est directement le produit de l'accumulation constante des désirs que nous avons. Si l'humanité n'avait pas créé d'automobile avec des roues, l'homme aujourd'hui, si l'homme n'avait pas succombé à la création de l'automobile, de cette mécanique, de cette machine qui roule sur le sol, l'homme aujourd'hui aurait des véhicules qui se transportent dans les airs. Mais le désir de l'homme a été très très puissant, de sorte que l'homme a entré en conflit avec l'intelligence sur son corps de désir, et il a simplement, pour des raisons de profit, instituer un désir qui a servi l'humanité d'une façon effarante et qui aujourd'hui crée une pollution ambiante. Les lois sont toujours les mêmes. Mais nous n'avons pas la capacité, les hommes, de discerner entre l'activité du corps de désir et de discerner entre le désir. Et l'homme, les hommes doivent un jour comprendre et réaliser cette différence. Il y a une différence essentielle entre les deux, et un homme qui ne connaît pas la différence entre un désir et l'activité du corps de désir sous l'effet de l'intelligence réelle ne pourra jamais comprendre les lois de la mémoire de l'âme, il ne pourra jamais comprendre le pouvoir de l'énergie de l'âme, il sera toujours un être habitué à distiller la mémoire de l'âme à l'intérieur de certaines formes qu'on appelle le désir, et il sera automatiquement esclave de cette âme. Je vous donne un exemple concret. Admettons qu'un jour, quelqu'un vous prenne et dise, « Bon, ben écoute, bonhomme, on va te donner une maison quelque part sur une île dans le Pacifique. Tu vas être seul, il n'y aura personne là. Mais tu auras tout là. Tu auras du bois, tu auras du végétal, tu pourras te construire, ton nourrir, faire un petit jardin, aller te baigner, ainsi de suite. » Très peu d'hommes seraient prêts à vivre une vie telle que celle-ci. Pourquoi? Parce qu'une vie telle que celle-ci serait tellement libre, l'homme ne pourrait pas créer de désir, qu'il serait absolument triste, seul. Il vivrait une vie de solitaire qui serait sur lui un poids énorme. Ce n'est qu'avec le temps que les hommes pourront vivre dans un environnement qui est totalement retiré de la civilisation, dans des conditions qui sont totalement sous le contrôle de l'intelligence à travers le corps de désir de ces hommes, que ce soit dans les Himalayas ou que ce soit dans les montagnes du Pérou, dans les jungles de l'Amazon, ou dans les surfaces marines de l'Atlantique ou du Pacifique. Les hommes ne peuvent pas vivre en dehors d'une atmosphère psychologique créée par la notion qu'ils ont de leur vie en fonction du corps de désir qui a été constamment meurtri et constamment verni sur ses parois par des désirs de toutes sortes. Regardez ceux qui sont en ville et qui vivent en ville dans une grande cité et qui, pour la fin de semaine, vont en campagne. Ah, ils aiment ça, vivre en campagne pour 2 jours, vendredi, samedi. Mais ne leur demandez pas de vivre en campagne toute la semaine. Il n'y a rien qui se passe en campagne pour eux. Et vous renversez la situation, vous prenez les gens de campagne, vous leur demandez d'aller en ville, ils viennent fous. Alors, tout revient au même principe, c'est que l'homme vit, non pas selon le corps de désir, mais selon les désirs qui sont enfermés à l'intérieur de cette enveloppe. Et c'est ça qui polarise l'intelligence de l'homme et le corps de désir de l'homme, et qui empêche l'homme de pouvoir, sur le plan matériel, exécuter sa destinée. Les hommes sont beaucoup plus affamés de conversation et de société qu'on ne le s'imagine. Beaucoup plus qu'on ne le s'imagine. Pour pouvoir vivre en retrait de la société, sans être un mystique, il faut que le corps de désir soit ajusté à l'intelligence. C'est pour ça que je sais très bien qu'au cours des années, nombreux seront ceux qui... Je peux t'avoir une player? Nombreux seront ceux qui essaieront de se situer en fonction d'un plan de vie plus facile, d'un plan de vie meilleur, mais qui n'auront pas la faculté de le faire. C'est très puissant, les désirs. Et le corps de désir n'a aucune puissance. Il exécute le pouvoir et la volonté. Le corps de désir, c'est simplement un instrument dans l'homme qui permet de réfléchir la volonté et l'intelligence sur le plan matériel en fonction du caractère et du tempérament de l'homme. Le corps de désir, ça n'a aucun pouvoir. Le pouvoir dans l'homme fait partie des principes universels et cosmiques en lui. Et ses pouvoirs descendent par le biais du mental et descendent sur le plan du corps de désir. Mais ils sont totalement en dehors de ce corps de désir. Le corps de désir n'a aucun pouvoir. Ce qui lui semble donner pouvoir, ce sont les désirs créés par une mentalité inférieure. Mais lorsque l'homme est dans le mental supérieur, il ne peut pas créer à volonté des désirs. Et à ce moment-là, s'il est habitué à des désirs, mais il est normal que la vie puisse lui sembler difficile. Et c'est pourquoi un certain nombre parmi vous perdront leur job, non pas parce qu'ils voudront perdre leur job, mais parce que les conditions économiques le demanderont. Et à ce moment-là, ils seront forcés de voir la différence entre leur désir et l'activité de l'intelligence sur le plan du corps de désir. Et vous pouvez très bien demeurer pendant un certain temps sans capacité de vous trouver du travail. Ou si vous vous trouvez du travail, vous aurez un travail qui ne vous donnera pas la rémunération que vous aviez auparavant, et ainsi de suite. L'intelligence vous demandera, vous exercera. Mais plus vous avancerez dans le temps, moins vous serez exercé par l'intelligence, parce que moins vos désirs seront puissants. Mais viendra le jour où, lorsque vous aurez cessé d'être exercé par l'intelligence, votre corps de désir sera suffisamment stabilisé qu'il pourra exercer la volonté et l'intelligence sur le plan matériel. Et c'est à partir de ce moment-là que vous pourrez vous créer des conditions de vie qui conviennent à vous dans ce temps-là, mais qui ne conviendraient pas à vous aujourd'hui, parce qu'un certain travail doit être fait sur vos corps. L'homme ne peut pas entrer dans les terres avec un corps de désir qui n'est pas ajusté, qui contient des désirs. Je sais très bien que la notion que nous avons de la vie est totalement faussée par les idées que nous nous faisons d'elle. Et tous les hommes ont une idée quelconque de la vie. Tous les hommes. Souvent, je vais parler avec des hommes et je vais parler de jardinage. Je vais dire, aujourd'hui, j'ai fait du jardinage, ou j'aimerais faire du jardinage, ou j'avais l'intention de faire du jardinage. Puis on va me dire, moi aussi, j'ai fait du jardinage, puis c'est très intéressant faire du jardinage. C'est bien fun, c'est bien bon, M. Bernard, du jardinage. C'est bon pour la santé, du jardinage. Blah, blah, blah, blah, blah. Là, ils vont me faire une litanie sur le jardinage. Autrement dit, j'ai déclenché en eux l'activité des désirs. Et là, ils manifestent. Ils manifestent cette activité, ils peuvent le manifester pendant 2 heures. Vous donnez une bonne femme qui fait du jardinage la chance de vous parler de son jardin et elle va vous en parler jusqu'à temps que des feuilles meurent. Et la même chose avec les hommes. Vous allez parler, vous allez dire je me suis acheté une automobile. On dit quelle sorte? Vous allez dire un Chevrolet. Moi j'ai acheté une Pontiac, puis était au bout de 380 chevaux vapeur, puis 500 de lumière, puis voilà. Et là, ils vont vous parler de leur automobile. Les hommes ne sont pas capables de parler de l'activité de leur corps de désir en fonction de leur désir sans mettre dans l'expression et l'explication de leur vie la notion de la valeur quelconque du désir. Ils sont incapables. Et de preuve, c'est que si vous dites à quelqu'un, oui, mais cette automobile-là, elle n'est pas bonne, elle est enregistrée dans tel livre comme étant une automobile qui a été faite pendant telle année ou à telle année, puis il y a eu des défaillances, General Motors a rapporté les anneaux, là, la falle leur tombe, boum. Alors, les désirs que nous créons créent en nous une notion d'une valeur quelconque, et c'est cette notion de la vie qui fait que nous ne sommes pas capables de vivre d'une façon libérée, parce que il est impossible à un homme d'avoir des désirs et d'être libéré, parce que les désirs font partie de l'activité chez l'homme, de l'âme, ne font pas partie de l'activité de l'esprit. Et pour que l'homme soit libéré, il faut qu'il fonctionne au niveau de son esprit. Jamais au niveau de l'âme. Vous voulez faire plaisir à une femme, dites-lui qu'elle est belle. Vous voulez la vexer, dites-lui qu'il y a un petit trou dans ses bas. Ça ne veut pas dire que quand je dis à des personnes qu'elles sont belles, que j'essaie de leur créer un piège. Mais ça revient toujours à la même chose. Là, certaines personnes vont commencer à me surveiller pour voir si je les flatte ou si j'essaie de les truquer. Mais je passe pas mon temps à faire ceci. Je dis que dans les mécaniques de la psychologie de l'homme, il se produit ceci. Moi, si vous me dites que je suis bien habillé, c'est votre problème, c'est pas le mien. Si vous me dites que j'ai l'air bien, c'est votre problème, c'est pas le mien. Vous demeurez toujours avec l'exploitation de votre explication en fonction de votre propre mentalité. Autrement dit, ça vient à quoi? Ça nous amène à éveiller une réalité chez l'homme, c'est que nous parlons beaucoup trop pour rien. C'est-à-dire que nous jasons. Alors, qu'est-ce qui se produit? Nous perdons de l'énergie. Et comme nous perdons de l'énergie, nous ne sommes pas capables de construire et d'enligner notre corps de désir avec le corps mental. Il y a des gens qui ont besoin tellement de sécurité psychologique que si vous ne leur dites pas bonjour, ils se sentent tous frustrés. Voyons, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il n'y a pas de bonne humeur. Et je sais qu'il y a des gens qui sont frustrés parce que je passe à côté d'eux et que je ne dis pas bonjour. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde. Je ne peux pas perdre constamment de l'énergie comme ça. Ce n'est pas intelligent. Si on se rencontre dans les toilettes, peut-être que là, on est seul. Mais là. Puis encore, je peux aller directement dans mon trou. Là, ça va être encore pire. Parce que là, j'ai restreint l'espace. Il n'y a presque pas de raison pourquoi je ne dis pas bonjour quand le bonhomme est à côté. Et moi, ce n'est pas ma faute. Mais eux créeront des conditions d'explication qui feront que Bernard n'est pas de bonne humeur aujourd'hui, il n'a pas dit bonjour, je sais que j'ai fait. Et les gens vivent comme ça, ils perdent de l'énergie constamment. C'est très difficile d'être centrique. Je ne sais pas si ça se comprend, ce que je vous dis. Ce n'est pas psychologiquement que ça se comprend, en tout cas. C'est vibratoirement que ça se comprend. C'est très simple. Les désirs de l'homme doivent être ajustés à son intelligence. Et si vous ne le réalisez pas aujourd'hui, vous le réaliserez éventuellement et vous verrez jusqu'à quel point la conscience cosmique est directement liée à cette liaison. Je parle de la conscience universelle sur le plan matériel. La conscience universelle sur le plan matériel est directement liée à l'enlignement du corps mental avec le corps de désir. Regardez une personne qui est consciente et automatiquement vous verrez qu'il y a un enlignement entre ces deux principes et que cette personne n'est pas affectée au niveau de son corps de désir par des désirs de toutes sortes. C'est le produit de cette conscientisation. Et quand je parle de désir, je parle de toutes les sortes de désirs que vous pouvez avoir dans votre tête, que ce soit des désirs d'évolution, des désirs de développement, des désirs de ci ou des désirs de ça. Et c'est lorsque cet alignement est corrigé que la notion que nous avons de la vie change et que c'est à partir du changement de cette notion que nous ne sommes plus des hommes, que nous sommes des êtres humains. Et il y a une très vaste différence entre un homme et un être humain. Un homme, c'est l'exploitation des désirs. Un être humain, c'est le résultat de la relation entre l'intelligence et le corps de désir pour la création d'une ligne de destinée qui convient à l'être, à son esprit, mais non pas à la mémoire de l'âme. Question. Pas de question. Non, c'est un désir. Désirer ne pas avoir de désir, c'est un désir, c'est un désir spirituel. Le corps de désir, il est débalancé par le fait que nous développons au cours des années une notion de la valeur de la vie. Et cette notion provient du fait que notre intellect, la partie inférieure du corps mental, est constamment agitée. C'est l'agitation du corps mental qui crée la nécessité de créer des désirs. Un corps mental qui ne peut pas penser parce qu'il est dans l'intelligence ne peut pas créer des désirs subjectifs. Il peut prendre conscience d'un besoin éventuel qui fera partie de l'activité de l'intelligence en lui, mais il ne pourrait pas créer un désir. Le désir deviendra un besoin et ce besoin sera concrétisé dans le temps. Ça fait partie de l'intelligence. En relation avec le corps de désir. Ça ne fait pas partie des désirs. Ouais. Souvent, ce qui va produire, c'est que vous aurez l'intelligence, qu'il y aura un ajustement entre l'intelligence et le corps de désir. Vous pressentirez des changements quelconques dans votre vie. Mais si vous avez encore trop de désirs, vous allez accélérer ce changement-là et vous ferez des erreurs. Ou vous verrez que ce changement-là n'est pas en fonction de ce désir, mais qu'il est autre chose. Il sera toujours compris après, jamais avant. Ce n'est pas dans l'intelligence d'agir ainsi. Ça fait partie de l'activité de l'intellect sur le corps astral qui crée les désirs. C'est ça. Un désir, c'est toujours en fonction de votre intellect. C'est jamais en fonction de l'intelligence. Ce qui est en fonction, le désir devient un besoin en fonction de l'intelligence. Mais un désir en fonction de l'intellect n'est pas nécessairement un besoin. Question? L'homme crée son propre lit et doit dormir dedans. Alors l'homme est conscient, crée son lit et dort dedans ou ne dort pas. Et l'homme conscient, éventuellement, s'éveille et se crée son lit. Mais le lit qu'il se crée n'est pas fait du même matériel que celui de l'autre. Mais ça demande énormément d'intelligence pour se créer un lit qui est fait de matériel différent de celui que connaît la société. C'est pourquoi je dis le système microéconomique de la société anonyme dans les années à venir sera un système fondé parfaitement et totalement sur la relation entre l'intelligence et le corps de désir de l'homme, nettoyé des désirs personnels. Si je vous disais les conditions de ce système microéconomique, vous seriez surpris. Et automatiquement, vos désirs entreraient en jeu. C'est pour ça que je n'en parle pas. Parce que les hommes aiment être bien traités, aiment être donnés des conditions, mais les hommes ne veulent pas les créer, ces conditions. Et les hommes qui seront à l'intérieur d'un système microéconomique créeront eux-mêmes leurs conditions. Eux-mêmes créeront leurs conditions. Et ceux qui auront l'intelligence et le corps de désir pour créer cette condition, la créeront cette condition et rien ne pourra les empêcher. Rien ne pourra les empêcher. Absolument rien. Que le système économique tombe en faillite, ça ne changera rien pour eux. Eux ne pourront jamais être en faillite parce que l'intelligence du système qu'ils créeront sera totalement en dehors des lois économiques du pays. Ce seront des conditions créées en fonction de ceux qui appartiennent à ces conditions. toute l'énergie dans ce système sera créée et recréée à l'intérieur du système. Il n'y aura jamais de perte d'énergie et jamais l'énergie de ce système ne se mélangera au système économique extérieur. Ce sera la protection de ces âmes. Alors, les hommes doivent créer leurs propres conditions économiques dans l'avenir. Mais le nombre de ces hommes est restreint. Parce que pour appartenir à une société microéconomique anonyme de cette sorte, qui est le produit de l'intelligence sur le globe, il faut que les hommes passent du stage d'être homme au stage humain. In the meantime, on regarde et on avance. On observe. Petit à petit, on intègre. Nous devons perdre la notion de la valeur de la vie telle que nous l'avons aujourd'hui pour vivre cette vie. Parce que la notion que nous avons de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous possédons, est une notion qui provient et qui est en relation directe avec notre corps de désir. L'intelligence ne peut pas se servir des désirs de l'homme. L'intelligence crée des conditions pour l'homme. Mais l'intellect, lui, se sert des désirs pour se construire un fardeau qui est la notion de son existence. Mais tout vient petit à petit. On ne peut pas désirer vivre une vie qui est créée par nous, à l'intérieur de conditions établies par nous, tant que nous ne sommes pas dans l'intelligence de ces conditions, c'est évident. Les hommes aujourd'hui dans tous les pays du monde vivent au crochet des autres hommes, vivent au crochet des gouvernements, vivent au crochet des sociétés. L'homme ne doit pas vivre au crochet de personne et au crochet de rien. L'homme doit créer ses propres conditions. Et c'est lorsque l'homme commence à vivre au crochet de ci et de ça que nous tendons vers des formes de plus en plus socialisantes et il n'y a rien qui détruit l'économie d'un peuple comme le socialisme. Mais en apparence, le socialisme semble être bien parce que le socialisme secourt tout le monde. Mais qui paie la dette? Le gouvernement. Qui paie les taxes? Le citoyen. Regardez ce qui s'est passé en Suède. Lorsque vous avez des pays en Norvège et en Suède qui paient jusqu'à 80% de leurs taxes, même s'ils demeurent dans les poches de l'individu 20%, ils perdent automatiquement l'énergie de travailler. Un homme qui doit payer 20% de taxes au gouvernement, même si ses enfants vont à l'école et que l'école est payée par le gouvernement, s'il va à l'hôpital et que l'hôpital va... C'est pas tout le monde qui va à l'hôpital. Moi, si je vais payer des taxes pour l'hôpital jusqu'à 90 années, que je ne vais jamais à l'hôpital, je vais en avoir marre de payer des taxes. Mais ce sont les lois universelles des gouvernements, tout le monde paye. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui au Canada. Les gouvernements socialisent, ils n'ont pas de choix parce qu'ils ont de plus en plus de dépenses. Alors les citoyens se plaignent. Et ils n'ont pas de choix parce qu'ils sont tous dans la même mare d'eau. C'est que tout le monde vit au crochet de tout le monde. Un employé qui travaille dans une corporation, qui travaille dans une compagnie, s'il est moindrement dans son intelligence, va dire, bon, mais à un certain moment, moi, c'est assez, je fais un salaire qui est raisonnable, je peux vivre, je peux payer ma maison, je suis bien. Il va refuser une augmentation de salaire. Moi, j'ai déjà refusé une augmentation de salaire quand j'ai travaillé pour une compagnie. Tout le monde est tombé en émoi. C'était la première fois qu'un employé refusait une augmentation de salaire. Ils sont venus fous comme de la merde. Ça s'est jamais vu, refuser une augmentation de salaire. Qu'est-ce qu'il a, ce type-là? Il est... Mais je voyais le jeu. Il voulait me donner une augmentation de salaire pour me faire monter dans la compagnie. Moi, je voulais pas monter dans la compagnie. J'étais bien là, où j'étais. En me donnant une augmentation de salaire, on m'a monté. J'ai dit, je veux plus d'augmentation de salaire. Le patron n'a jamais compris ça. Même aujourd'hui, il ne comprend pas. C'est devenu une histoire. Non, les hommes en veulent toujours plus en plus. Alors, quand vous avez une société qui en veut de plus en plus et qui est baquée, qui est poussée par un corps social tel que les unions, mais à ce moment-là, vous avez une société qui perd son pouvoir d'achat, qui perd son pouvoir de crédit, et ainsi de suite. Alors, qui paye? Tout le monde. À ce moment-là, à un certain moment, l'homme qui entre dans son intelligence ne peut plus vivre au crochet d'une telle société. Il est obligé de créer des mécanismes qui sont totalement neufs et qui font partie de la relation parfaite entre l'intelligence créative et le corps de désir. Mais qui n'est pas abruti par des désirs personnels. On prend un break. Je veux continuer à approfondir le concept de la notion. Parce que le concept de toute notion, toute notion, n'importe quelle notion, cache le réel. Si on prend la notion d'une micro-société anonyme qui va se développer au cours des années et des générations, c'est très facile pour nous de vivre spirituellement de la notion. Et vivre spirituellement d'une notion aussi forte que celle-ci, ça peut être dangereux pour l'homme. Pour deux raisons. Parce que la création d'une micro-société anonyme ne peut pas se faire dans le temps exigé par les désirs de l'homme. Ne peut pas se faire selon les conditions exigées par les désirs de l'homme. Il y a dans le monde aujourd'hui beaucoup de personnes qui reçoivent de l'information concernant la société anonyme. Et ces informations sont intéressantes. Mais ces informations demeurent des notions élevées. Et je fais la différence entre les notions de l'homme et les notions élevées. Les notions de l'homme sont les idées que l'homme a ou les idées que l'homme se fait de quelque chose, provenant de son mental et liées à ses désirs. Les notions élevées sont des idées qui parviennent à l'homme par voie télépathique, par voie subliminale, qui s'impriment sur son mental et qui aussi nourrissent ses désirs. De sorte que les hommes sont à la fois dans une notion élevée ou à la fois dans une notion qui est totalement intellectuelle. Et dans les deux cas, le corps de désir n'est pas l'agent créatif de cette structure. Mais ce sont les désirs qui sont les agents passifs et réceptifs des idées qui concernent cette structure. Et les hommes, surtout dans le début, dans les périodes prochaines de la micro-société anonyme mondiale, surtout dans les périodes prochaines, pendant que l'esprit de l'homme est élevé en vibration, jusqu'à un point où l'homme puisse communiquer avec les sphères pour avoir de l'information sur la nature de la société. Pendant cette période-là, les hommes doivent faire attention à ce qu'ils reçoivent. Dans deux sens. Dans ce sens qu'ils doivent être avertis que ce qu'ils reçoivent est conditionné par ce qu'ils peuvent comprendre de ce qu'ils reçoivent. Et deuxièmement, ils doivent être avertis que ce qu'ils reçoivent ne fait pas partie de quoi? Y a-t-il quelqu'un qui a à me répondre? Continuez ça. Hein? Ne fait pas partie de l'intelligence. Il fait partie des intelligences. Mais non de l'intelligence. Et les intelligences sont des personnalités actives sur d'autres plans. Tandis que l'intelligence fait partie de l'homme et éventuellement sera réalisée sur tous ses plans. Le concept de la notion tel que je l'explique aujourd'hui doit être très bien saisi par les hommes qui sont ou qui ont des rapports avec des intelligences ou qui ont accès à des notions élevées pour comparer ce que je dis, ce que j'explique, la façon dont je l'explique avec la façon dont ils le reçoivent pour pouvoir corriger ce qu'ils reçoivent et ajuster ce qu'ils reçoivent pour que ça convienne à ce qu'ils feront. Dans les années qui viennent, les hommes seront de plus en plus susceptibles de recevoir des notions élevées, c'est-à-dire d'avoir des communications télépathiques. Et dans les années qui viennent, surtout en ce qui concerne la formation sur le globe matériel d'une micro-société, les hommes devront être de plus en plus avertis, pour le moment par moi-même, mais devront être de plus en plus avertis de l'importance de mesurer ce qu'ils reçoivent par télépathie contre la façon dont je l'explique dans le public, pour ne pas perdre trop d'énergie, pour que leurs activités, leurs intentions ou leurs désirs ne soient pas trop affectés par des conditions qui sont en dehors de leur contrôle et qui assujettissent leur esprit à des conditions planétaires qui font partie de leur corps de désir. Mais non pas de leur corps de désir en ligne avec le mental, mais de leur corps de désir comme principe fabricant des désirs qui servent l'ego de l'homme. Quand je dis que l'intelligence de l'homme, elle est proportionnelle à l'ajustement de son corps de désir. Je dis que l'homme devient de plus en plus intelligent au fur et à mesure que son corps de désir est de plus en plus ajusté. Ce qui désajuste l'intelligence de l'homme, ce sont ses désirs. Quand ces désirs-là disparaissent, qu'il ne reste que le corps de désir, à ce moment-là, son intelligence est ajustée et il voit très clair. Il voit très clair, il est très patient et il voit très loin dans le temps et il ne souffre plus du temps. Sinon, avant ça, l'homme est assujetti à recevoir des informations qui viennent des mondes d'intelligence supérieure, des informations qui sont très, très intéressantes, mais qui ne sont pas assujettis à être confirmés dans l'expérience de l'homme parce que la formation, la création, l'évolution de la micro-société sera établie sur la Terre en fonction du perfectionnement de la relation entre le corps de désir et de l'intelligence et non en fonction de dictées ou de données venant de plans spirituels. Et ça, c'est tellement vrai qu'aujourd'hui, au stage où on en est, aussitôt qu'on parle de formation d'une micro-société anonyme, on est obligé de faire très, très attention aux termes qu'on emploie pour ne pas défigurer la raison d'être de cette société éventuelle et ne pas remplacer cette défiguration par une construction psychologique émotive qui donnerait naissance à une idée spirituelle d'une société future. Quand je dis que l'essence de l'intelligence chez l'homme, chez l'être humain, dans sa pleine force, se distingue complètement de la notion intelligente qu'on a d'événements futurs. La notion intelligente qu'on puisse avoir d'événements futurs, et ces notions existent dans tous les pays du monde, dans toutes les sociétés ésotériques du monde, dans tous les groupements du monde, chez une multitude d'individus, cette notion, un jour, devra être fracturée pour laisser naissance à l'application directe de l'intelligence et de la volonté en fonction d'un corps de désir qui est totalement ajusté au mental. Et c'est pourquoi la formation de la micro-société anonyme sera totalement anonyme, c'est-à-dire que ceux qui participeront à cette activité ne pourront pas vivre d'aucune façon en fonction d'un désir ou d'une notion intelligente, soit subjective et pensante, ou communicative et élevée, télépathique, mais vivront en fonction de leur intelligence et de leur corps de désir sur le plan matériel. Ce sont les hommes qui créeront la micro-société. Ce ne sont pas les hommes qui seront dictés comment la créer, cette nouvelle société. C'est bien important, ce point-là. Il doit se déchirer un voile dans la conscience de la sixième race, dans la conscience de l'homme qui vient. Un voile qui a toujours existé dans la conscience de l'homme depuis des millénaires, et celui d'être enseigné ou d'être dicté comment faire. L'homme n'a pas besoin d'être dicté comment faire, l'homme n'a pas besoin d'être enseigné, l'homme sait. Et comment sait-il? Il sait selon le perfectionnement de l'enlignement de son corps émotionnel, de son corps astral, de son corps de désir avec son corps mental. L'homme n'a besoin d'aucun support, n'a besoin d'aucune intelligence, n'a besoin d'aucune personnalité intelligente, matérielle ou invisible, pour diriger ses activités sur le globe. L'homme lui-même est la réunion, l'homme conscient, est la réunion de tous les principes qui manifestent sur un plan matériel les conditions de dégradation continue de l'énergie de l'intelligence vers la matière, permettant à cette dégradation de remplir le rôle qu'elle a en fonction de son origine, de son universalité, celui de la création sur le plan matériel, de conditions matérielles qui sont équilibrées et harmonisées avec le corps de désir de l'homme en fonction de son intelligence pour des buts qui sont totalement invisibles à ceux qui ne sont pas initiés au mystère de la sixième race. Alors, la proportionnalité de l'intelligence que nous recevons en fonction de notre télépathie ou de notre élévation d'esprit, de notre rapport intelligent avec des personnalités ou des intelligences sur d'autres plans, doit être extrêmement surveillé, et nous devons réaliser que le travail des intelligences sur les autres plans, le travail actif, le travail créatif de ces intelligences, est dirigé par l'intelligence. Et tant que ce travail sera dirigé par les intelligences, le travail ne sera pas exécuté par l'homme. L'homme ne peut pas exécuter un travail tant que ce travail-là est dirigé par des intelligences qui sont elles-mêmes sous le contrôle vibratoire d'autres intelligences. La connexion entre l'homme et le cosmos doit être directe. La connexion entre l'intelligence, le monde de l'intelligence, les plans d'intelligence et l'homme doit être directe et totale.